Melo Rambo, Tati Angeli, on peut savoir conseil, hein. Bye. na kati ya bébé santé. Mexique 86. Ma bumbu, à Paris, tout à la Nanda. Tala bana bate domine muta. Yeba mbeni bata zota. Yeba nga yeba tirude. Yeah, boy.